La Corée accorde toujours de gros efforts au rétablissement forestier. Les pépinières de l'arrondissement de Songan de la province du Chagang donnent plusieurs dizaines de milliers de plants d'arbres, notamment l'acacia et le pin trifolié, contribuant ainsi à l'afforestation au niveau national. La pépinière prototypique nouvellement installée dans le district de Pagyon de la ville de Kaesong donne des plants d'arbres de différentes espèces nécessaires au reboisement, dont le pin pignon, le mélèze changsong, etc. L'arrondissement de Yeouk de la province du Hamgyong du Sud a élaboré le plan de rétablissement forestier avant de donner de l'éperon à l'afforestation, comme la collecte de semences, le creusement de trous, etc. Le service d'administration forestière de l'arrondissement de Singhe de la province du Fang et du Nord a adopté une nouvelle méthode permettant aux plants de s'enraciner presque à 100% et la production des plants de conifères est multipliée par 1,5 fois par rapport au passé.